depend on me. Ladies and gentlemen, it's a privilege to be playing with him, Eric Clapton. Amis du rock, bonjour. Une salve d'applaudissements pour Eric Clapton et son groupe The Cream, avec un extrait d'un album live publié en 2005. Lors précisément de la réunion de ces trois monstres sacrés que sont Jack Bruce, Eric Clapton et Ginger Baker, qui pour la circonstance en 2005 s'étaient retrouvés au Royal Albert Hall de Londres les 2, 4 et 5 mai 2005 pour un titre, enfin pour un double album, et dont nous avons écouté le titre Stormy Monday, le lundi venteux, tumultueux, un peu comme aujourd'hui avec la météo, une météo capricieuse, un peu pourrie, mais de saison. Alors on ne va pas trop s'en plaindre, et en ce lundi matin 27 novembre, rien de mieux qu'un peu de blues pour se dégager les tympans et se mettre dans l'ambiance. Bien sûr, nous avons le cœur un peu triste, enfin tous les amateurs de tennis ont le cœur un peu triste en Belgique pour avoir loupé de peu la victoire de la Coupe Davis. Mais félicitations à nos amis français qui sont nombreux à nous écouter pour avoir réussi à nous produire un spectacle de qualité. Mais trêve de bavardage, démarrons cette émission comme d'habitude avec notre séquence anniversaire et plongeons-nous pour débuter le 27 novembre 1964. Ce jour-là, notre ami Mick Jagger a dû payer 16 livres d'amende. Eh bien oui, ça lui est arrivé quand même quelques fois dans sa carrière. Il a été condamné en fait pour s'être présenté devant la cour de justice anglaise avec une tenue et une chevelure jugées offensantes à l'époque. Et son avocat expliquera, quant à lui, pour sa défense, que le duc de Marlborough, un personnage britannique très célèbre, avait des cheveux plus longs que mon client et ce ne l'a pas empêché pourtant de gagner de très nombreuses batailles. De plus, ses cheveux étaient poudrés à cause des puces. Quant à mon client, lui, il n'a pas de puces. Ceci étant dit, voici les Rolling Stones, Time is on my side. Rolling Stones, This On My Side en 1964. J'en profite pour saluer et dire bonjour et remercier tous les auditeurs qui ont décidé de passer la matinée en notre compagnie sur RQC. Au programme aujourd'hui, outre notre séquence anniversaire que nous venons de débuter, nous continuerons aussi notre saga de la musique et de l'histoire de la musique progressive. On passe des années 70 cette fois aux années 80 et l'apparition d'un style qui s'inspire de la musique progressive, le néo-prog, avec notamment des artistes comme Marillion, dont nous découvrirons des extraits du premier album. Le rock made in France, on continue notre exploration vraiment de la préhistoire du rock en France et on débarquera dans les années 50 avec des textes de Boris Vian. Surprise! Quant à notre album du jour, il aura des connotations et des résonances folk avec l'album éponyme de Johan Armatrending de 1976. On poursuivra et on terminera l'émission avec quelques petites annonces. Mais en attendant, on repart maintenant dans les années 80 pour retrouver les Boughton Rats notamment. En 1981, l'industrie phonographique britannique faisait paraître des annonces dans la presse pour dire que faire des copies, c'était tuer la musique. Et des groupes comme les Boughton Rats, 10cc ou encore des artistes comme Elton John, Cliff Richard avaient alors soutenu cette campagne. Voici les Boughton Rats pour commencer cette petite série Red Trap. For the young bright lights, just down past the gas rush by the meat factory door, the Five Lamb boys were coming on strong. The Saturday night city beat had already started, and the pulse of the corner boy just sprang into action. And young Billy watched it under the yellow street light and said, tonight, up all night, it's gonna be a blight night. Billy don't like it living here in this town, he said. Traps have been sprung long before he was born, he said. Hold fast the dust behind all the closed doors, and pus and grime ooze from its scab-busted sword. Just screaming and crying in the high-rise block, it's a rat trap, Billy, but you're already caught. Hey, you can make it if you wanna, or you need it bad enough. You're young and good-looking, and you're acting kinda dumb anyway. It's Saturday night time to see what's going on. The right suit, head for the right side of town. It's only 8 o'clock, but you're already bored. You don't know what it is, but there's gotta be more. You better find a way out. Hey, kick down that door. It's a rat trap, and you've been caught. In this town, Billy says, everybody's trying to tell you what to do. Everybody says you gotta follow him. You walk up to the traffic lights, you switch and you let your right. You push in that button and that button goes a light. If you walk to walk, walk to walk, talk to talk, talk to talk, walk to walk, walk to walk, talk to talk, talk to talk. Hey, Billy, take a walk, take a walk, take a walk. Billy, take a walk, take a walk. Billy, take a walk, take a walk, take a walk. Hey, Billy, take a walk with me. Everyone working some factory. Work all the hours God gave me. Get myself a little easy moving. Her mind's made up. She walks down the road. Her hands in her pocket, cool button against the cold. She finally finds Billy down at the Italian cafe. When he's drunk, it's hard to understand why Billy stands. But then he mumbles in his coffee and he suddenly roars. It's a red truck cheating. And we've been Living in the past. De la pop en stock. Voici maintenant TenCC, Don't Turn Me Away. Thank you.

L'ami Cliff Richard en 1983 avec un titre extrait de l'album, un titre intitulé Devil Woman, qui n'est autre qu'une reprise déjà d'un titre ancien et qui figure sur l'album de 1983, Dressed for the Occasion, habillé pour l'occasion. Et c'est vrai que quand on regarde la pochette, l'ami Cliff avait ce jour-là revêtu son plus beau costume. Cet album Dressed for the Occasion est d'ailleurs un album enregistré en direct avec l'accompagnement du London Philharmonic Orchestra au Royal Albert Hall de Londres en novembre 1982. Et décidément, le Royal Albert Hall de Londres ne nous quitte pas ce matin. Un début de matinée aux accents très pop-rock, vous l'aurez remarqué. Avant Cliff Richard, il y avait Elton John et Tennessee. Nous allons poursuivre, avant de poursuivre, je souhaite à tous les auditeurs de passer une excellente matinée en notre compagnie. Que ceux qui ont repris le chemin du travail passent de la meilleure manière possible ce début de semaine. Et quant à ceux qui sont paisiblement restés chez eux, passez un excellent moment de repos et de détente en notre compagnie. On poursuit sur le mode pop-rock, comme nous l'avons débuté ici ce matin, avec tout d'abord Rod Stewart et ensuite Paul et Linda McCartney. Pourquoi ? Bien parce que le 27 novembre 1994, Rod Stewart, avec les Faces, était à l'Odéon de Londres. Ce n'est plus le Royal Albert Hall, c'est l'Odéon. Et Paul et Linda McCartney sont venus ce jour-là les rejoindre sur scène pour jouer ensemble quelques morceaux. Nous retrouvons tout d'abord Rod Stewart avec un extrait de l'album de 1991, Vagabond Heart, le titre « Have I Told You Lately ?» et ensuite un extrait de l'album de Paul et Linda McCartney de 1971, album baptisé « Ram », et l'extrait que j'ai choisi « Monkberry Moon Delight ». Mais sans plus attendre, voici tout d'abord Rod Stewart. ...9h31 sur les ondes RQC. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. should give thanks and pray to the one, to the one that have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles, that's what you do. Sound of tough. Un petit clin d'œil à notre ami Luc, un des administrateurs de notre chère station RQC, qui est particulièrement fan de Paul McCartney, que nous venons de retrouver ici en compagnie de son épouse Linda en 1971 sur l'album REM avec le titre Monkey Moon Delight. On poursuit, on se plonge maintenant en 2006 et on retrouve Cliff Richard. J'avais évoqué tout à l'heure que dans les années 80, celui-ci avait soutenu une campagne qui visait à dénoncer les abus, l'usage abusif de copies qui risquait de tuer la musique. On le retrouve ici en 2006, le 27 novembre 2006. Il a continué son combat pour défendre ses droits, mais malheureusement, il le perdra. Il voulait en effet que le temps pendant lequel les artistes pouvaient toucher les droits sur leur musique soit étendu de 50 à 95 ans. Et donc, le combat ayant été perdu, cela veut dire par exemple que son premier tube, Move It, enregistré en 1958, est désormais libre de droits. Move It, Cliff Richard. Mississippi heat. There were fireflies in the night, a bullfrog croaking. Here come the train, and boy, is she smoking. Headed out from New Orleans clear to LA. You better get ready, it's a brand new day. Ça balançait pas mal en 1958, Cliff Richard de Move It. L'heure est venue maintenant de souhaiter un bon anniversaire à plusieurs de nos artistes. Tout d'abord, souligner que Jimi Hendrix aurait dû fêter son anniversaire aujourd'hui. Il est en effet né le 27 novembre 1942 à Seattle. Quant à Mike Bordin, le batteur de Faith No More, il ajoutera aujourd'hui une bougie supplémentaire à son gâteau. Il est en effet né le 27 novembre 1962 à Chicago. Quant à Dave Winthrop, il est né le 27 novembre 1948 à Camden, dans le New Jersey. Ce n'est ni plus ni moins que le saxophoniste de Supertramp. Et pour terminer, Charlie Burchill, lui, c'est le guitariste des Simple Minds. Charlie est né en 1959, le 27 novembre, bien sûr, à Glasgow. Mais pour débuter, voici un petit message. RQC sur le net. C'est le www.rqc.be. Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red and the wind whispers Mary. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. The wind, it cries, Mary. De rock alternative maintenant avec Face No More. Epic. So sweet, but it makes no difference 'cause it knocks you off your feet. living in the past. Mad in rap. Et voici Supertramp, The Logical Song, Breakfast in America, 1979. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me. Et nous refermons pour aujourd'hui. Nous refermons pour aujourd'hui cette page anniversaire. Malheureusement, Faith No More ne voulait pas en tenir compte et voulait revenir sur les platines. Désolé pour ce petit contretemps. Donc nous avons terminé notre séquence anniversaire avec ce titre The Logical Song de Supertramp, car je me suis aperçu malheureusement un peu tard avoir oublié d'emmener un titre de Simple Minds. et on en profite pour introduire et débuter notre séquence suivante. Il est maintenant 10h03, c'est l'heure d'évoquer l'histoire de la musique progressive. Living in the past. Mad in rap. Notre séquence de musique progressive d'aujourd'hui est consacrée à l'apparition d'un sous-style du rock progressif, habituellement appelé rock néo-progressif, un style que les spécialistes ont communément appelé néo-prog. La semaine dernière, je vous expliquais que vers la fin des années 70, le rock progressif, emmené par des groupes comme Pink Floyd, Camel, Yes ou encore Genesis, s'était peu à peu essoufflé face à la vague punk qui commençait à déferler sur l'Europe à cette époque. La grande période du rock progressif était bel et bien terminée. Et le style va, à ce moment-là, effectuer une véritable traversée du désert durant les premières années de la décennie des années 80. Le grand public et la presse musicale se sont progressivement désintéressés de ce style musical, et seuls certains grands groupes sont parvenus malgré tout à faire face plus ou moins difficilement. À cette déferlante punk succédera ensuite celle du metal avec la new wave of British heavy metal, mieux connue sous les initiales NWOBHM. Mais à cette époque également, deux nouveaux styles issus directement du rock progressif vont alors apparaître. Il s'agit du metal progressif et du néo-prog qui fera l'objet de plusieurs séquences dans les semaines à venir. On abordera peut-être ensuite un peu de métal progressif. Alors, une des raisons fondamentales du déclin du rock progressif traditionnel réside dans le fait qu'il s'agissait d'un style pas toujours très abordable pour le commun des auditeurs et qui passait difficilement en radio. Le néo-prog, étant un style plus facile d'écoute, sans pour autant renier ses sources progressives, s'adaptera mieux en fait aux critères radiophoniques et à l'esprit de l'époque. Le néo-prog apparaît soudainement en 1983 avec la sortie d'un album. Il s'agit du premier album de Marillion, groupe jusque-là totalement inconnu. Et cet album s'intitule Script for a Jester's Tear. Cet album est encore aujourd'hui considéré comme la pièce fondatrice de ce courant néo-prog. Et Marillion comme le premier groupe du genre. Cette galette rencontrera d'ailleurs un très vif succès, remettant alors au goût du jour le rock progressif. Je vous en propose maintenant deux extraits enchaînés. Il y a tout d'abord Forgotten Sons et ensuite Chelsea Monday. Voilà, je vous souhaite bonne écoute. Voici pour débuter Forgotten Sons. To you. Fighter, a fighter, a fighter. Death in the shadows, you may. Your mother sits on the edge of the world when the cameras start to roll. Panoramic viewpoints resurrect the killing foe. Your father drains another beer. He's one of the few that cares, calling behind a Saracen hull from the safety of his living room chair. Forgotten sons. Forgotten sons. Thank you. Et on enchaîne toujours avec Marie-Lyon, Chelsea Monday. Trends of dawn. daughter, my princess, apprentice, a doctress, buried in her cellophane world in Glitter Town. Of Chelsea Monday, she was Chelsea C'était donc deux extraits enchaînés de l'album, tirés de l'album de Marie-Lyon de 1983, Script for a Jester Tear, qui est un peu l'album fondateur de ce nouveau courant musical issu du rock progressif et qu'on a baptisé communément le néo-prog. Place maintenant, oui, on nous retrouvera bien entendu avec beaucoup de plaisir, je l'espère, en tous les cas, cette séquence. Nous allons continuer à explorer ce genre musical dans les semaines à venir. Il y aura notamment des extraits de groupes comme Porcupine Tree, Steven Wilson, IQ, Palace, Shadowland, Twelfth Night, Arena et bien d'autres. Qui sait ? Voilà, place maintenant à notre séquence suivante, le rock made in France. Alors, tout à fait autre chose, on retourne dans les années 50, à la préhistoire du rock en France. C'est le rock avant le rock, puisque en 1956, lorsque Boris Vian et Henri Salvador décident sous le pseudonyme d'Henry Cording and his original Rock'n'Roll Boys de créer Rock'n'Roll Mops, admirez le jeu de mots, c'est bien sûr pour se moquer d'une mode que ces amateurs éclairés de jazz jugeaient ridicule. Pour adapter un rock d'Elvis Presley, autant ne pas se gêner et confier le boulot à un illettré. Ça aura l'avantage de respecter l'esprit du modèle, écrira d'ailleurs Boris Vian dans « En avant la Zizik ». Et ce dernier sera également l'auteur du rock'n'roll parodique resté célèbre « Fais-moi mal, Johnny », interprété par Magali Noël. Mais pour débuter, voici Henri Salvador, « Rock'n'roll Mops ». Je lui donne un instant, face à la lueur que j'ai dans l'œil. Elle est tombée comme une feuille, dans mes grands radeaux en houtan. On s'est aimé comme des dieux, à Aznavour en serait resté bleu. Le bonheur jouait dans un coin, des airs de jazz qui swingaient bien. Mais à la fin j'avais si faim que j'ai appelé le bar du coin à l'eau du pont. Montez-moi donc, de quoi manger, sinon je vais crever. Qu'est-ce qu'il faut vous apporter? Apportez-moi sans hésiter Rock and roll, mop. Avec du pain beurré Rock and roll, mop. Et du bifteck haché Rock and roll, mop. Avec un œuf à cheval Rock and roll, mop. Je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou, du sauciflard, de sapajou, du foie de lion au salsifis, de la tête de lard au fric en fit. Et dans un plat, rien que pour moi, bien préparé, pas trop assaisonné. Rock and roll, mop. Ça m'a réconforté. Rock and roll, mop. Je suis plein à craquer. Rock and roll, mop. Ma force a décuplé. Rock and roll, mop. On est retourné se coucher. Sharp, sharp, ou pop. Dans ma vie, bubi, dans ma loba, je l'y vais. Rock and roll, mop.

that life and thinking you're number one. Down to zero if they were leaving for another one. Now you walk with your feet back on the ground. Down to the ground, down to the ground. Down to the ground, down to the ground. Walks through the crowd and takes your man, sends you rushing to the mirror. Brush your eyebrows and say, there's more beauty in you than anyone. I remember who walked the warm sand beside you. More to your heel, let the waves come rushing in. She took the worry from your head, but then again, she put trouble in your heart instead. Then you fall down to the ground, down to the ground. You know how it is. Still more crying when you're thinking of your mother's only son. Take to your bed, you sit this peace and sleep, but you dream of love instead. All the heartache you'll find. Can bring more pain than a blister in song. But oh, when you fall, oh, when you fall, fall at my door. C'était donc Joan Armatrading, un premier extrait de son album éponyme de 1976 que nous revisitons aujourd'hui dans le cadre de notre rubrique L'album du jour. C'était Down to Zero. Et cet album aux accents folk rock de Joan Armatrading est souvent perçu comme étant son premier 33 tours, mais en réalité, non, il s'agit de son troisième album. Mais par contre, celui-ci symbolise vraiment un vrai nouveau départ pour elle, qu'elle doit en grosse partie à son producteur, le légendaire Glyn Jones. Lorsque celui-ci rencontre la jeune Joan, il est depuis plus de 10 ans l'ingénieur du son des Rolling Stones, et mais aussi le producteur attitré de groupes comme Steve Miller Band, des Eagles, et les Who, que des références quoi. Et dans ses mémoires, il expliquera comment il l'a vue la première fois en concert à Washington. C'était au Cellar Door. Ce jour-là, écrira-t-il, j'ai vu une chanteuse si timide qu'elle osait à peine regarder son public. Je comprenais à peine ce qu'elle marmonnait entre deux titres. Bref, c'était le désastre total. Heureusement pour elle, sa maison de disques parviendra à convaincre Glynn de lui donner une seconde chance et, au miracle, ce soir-là, elle l'épatera enfin. Au studio londonien Olympic, il l'entoure alors d'excellents musiciens comme le pianiste Peter Wood, les guitaristes B.G. Cole et Graham Lynne, et enfin le batteur Kenny Jones des Small Faces. Et ça donnera des titres comme ce superbe Love and Affection. I am not in love, but I'm open to persuasion, east or west, where's the best for romance and with a friend I can smile, but with a lover I could hold my head back and really laugh, really laugh. Thank you. You took me dancing across the floor, cheek to cheek, but with a lover I could really dance. I could really move. Now if I can feel the sun in my eyes and the rain on my face, why can't I Shh. C'était Love and Affection, qui est un peu le titre phare de cet album éponyme de 1976, qui déclenchera véritablement sa carrière. Elle dira à propos de cette chanson: « Je me souviens comment les paroles me sont venues alors que je me promenais sur King's Road. » La chanson parle d'une personne qui voulait me persuader de tomber amoureuse, mais je n'en dirai pas plus. Depuis plus de 40 ans, Joan Hermit Trading n'a pas cessé d'observer et de chanter l'amour sous toutes ses coutures, comme les deux titres qui vont suivre, « Me, Myself, I and No Love ». I sit here by myself and you know I love it. You know I don't want someone to come pay visit. I wanna be by myself. I came in. I wanna go to China and to see Japan. I'd like to sail the oceans before the seas run dry. I wanna go by myself. I just room enough for one. Me, myself, I. Everybody dreams of one. I wanna do it. And if I had no love to give, I wouldn't give it to you. If I had no love to give, I wouldn't give it to you. Babe, I wouldn't give it. Joan Hermit Reading, No Love, et précédemment c'était Me, Myself, I, deux titres extraits d'albums qui ont suivi cet album éponyme de 1976 qui nous sert aujourd'hui de fil rouge pour découvrir cette artiste tout à fait talentueuse. Et cet artiste ne compte plus les prix et récompenses qui lui ont été décernés ces dernières années. Ainsi, en 2001, elle a même été faite membre de l'ordre de l'Empire britannique par la reine d'Angleterre en personne. Voici pour suivre Drop the Pilot, toujours ex... pardon, I'm Lucky, Drop the Pilot, ce sera pour après. On va drop ce I'm Lucky, est toujours extrait de l'album de 1981, Walk Under Ladders. Yes, I'm so lucky that I'm as lucky as me. Struck it rich, dirty rich, no work can get richer. And the world loves a winner. Yes, I'm so numero over my shoulder. I don't know no rabbit, no clover, no heather, no cross, no wonder. I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky. I can walk on the ladders. À 10h58 minutes, nous venons de clôturer avec ce Drop the Pilot la séquence consacrée à l'album éponyme de Johann Arma Trading. Et on poursuit maintenant dans un tout autre registre musical, puisque l'on va se donner un peu de plaisir avec du métal bien lourd et Chakra Rising. Tout en métal. We'll be right back. Les amateurs de métal auront sûrement apprécié ces deux titres enchaînés. Il y avait d'abord Chakra, un groupe de métal suisse qui nous interprétait Rising Height, extrait de leur album de 2003, Rising, qui veut dire en quelque sorte insurrection, soulèvement. Et il y avait ensuite INT dans Forever, un extrait de leur album de 1982, Black Tiger. Alors qu'on soit bien clair, INT n'a pas véritablement donné naissance au cours de sa carrière à ce qu'on pourrait appeler un chef-d'œuvre, si tant est que ce terme signifie réellement quelque chose. Pourtant, il a dans son escarcelle au moins un album qui pourrait presque prétendre à ce titre. Il s'agit de cet album de 1982, Black Tiger, publié un an après leur précédent album qui s'intitulait Earthshaker. Il corrige le seul et relatif défaut de ce dernier, puisqu'il peut compter alors sur la production puissante de Max Norman, qui a travaillé pour Ozzy Osbourne, Megadeth et encore Safetage, laquelle permet au hard rock très personnel des Américains de gagner encore en ampleur. Après des débuts timides mais non sans charme, on sent bien à l'écoute de cet album que le groupe s'inscrit dans une phase ascendante évidente. Mais assez paradoxalement, c'est en ramollissant progressivement sa musique sur les opus suivants, au détriment de cette singularité et de la puissance de ses compositions, comme sur ce titre Forever que nous venons d'écouter, eh bien, c'est en ramollissant sa musique que le groupe connaîtra par la suite ses plus grands succès. Mais en ce qui me concerne, je leur préfère nettement, sans la moindre hésitation, cet album Black Tiger que l'on peut retrouver, enfin qui mérite largement de trouver sa place dans toute bonne discothèque qui prétend l'être. Et donc, s'il ne devait en rester qu'un, je trouve que ce devrait être celui-là. Très bien, Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. C'est une machine à explorer le temps. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Living in the past. La machine à remonter le temps. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la chasse d'eau. Et c'est en vous relevant qu'il vous est venue l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. Let's go. On poursuit dans un tout autre style, The Cranberries, Promises. Nous étions à l'instant en compagnie des Cranberries. Et c'est un petit extra pas prévu. Bon, je disais donc que nous étions en compagnie des Cranberries en 1999 et leur album Bury Hatchet, c'était Promises. Et cet album, Bury the Hatchet, c'est un album qui semble véritablement empreint d'une douce mélancolie, comme une porte entrouverte à un nouveau départ. En effet, leur troisième album, baptisé To the Faithful Departed, qui était sorti en 1996, n'avait pas obtenu le succès escompté. Le groupe avait alors risqué un virage très rock, des textes beaucoup plus engagés, des mélodies recherchées, mais au final, le disque avait été boudé par le public. Et en 1999, les Cranberries sont toutefois décidés à littéralement enterrer la hache de guerre avec ce « Bury the Hatchet ». Ils reviennent en effet à un univers plus proche de l'album qui les a rendus célèbres en 1994. J'ai cité No Need to Arc. Et pour suivre, maintenant voici un autre groupe tout à fait mythique, Toto, que nous allons retrouver avec un extrait de leur septième album, baptisé tout simplement The Seventh One. Alors, The Seventh One, ce qui est donc le septième album de Toto, c'est un opus qui va permettre à la formation californienne de franchir encore une étape dans sa carrière déjà rudement bien remplie à l'époque. Nous sommes en 1988. Certes, nous sommes loin des années fastes de Toto 4, mais The Seventh One connaîtra quand même un franc succès. Et on peut dire, plusieurs dizaines d'années plus tard, que cet album a plutôt bien vieilli et les chansons elles-mêmes n'ont pas pris une seule ride. Ce Seventh One est probablement l'un des meilleurs albums que Toto ait enfanté. Enfin, c'est un avis tout à fait subjectif et personnel, tant par sa diversité musicale que par ses textes. Dès les premières notes, on se sent transporté par le son énorme de cette production. L'homogénéité de l'album tient également dans le fait que Toto met un peu de tout dans cet album. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de ce groupe. Sur cet album, Toto atteint le sommet avec cet excellent titre « Home of the Brave » que nous allons écouter maintenant. Progressif dans l'âme et dans le cœur, ce titre d'une force incroyable est remarquablement interprété. Vous remarquerez notamment qu'ici, comme dans quelques autres chansons de la discographie de Toto, c'est le ballet des voix qui est mis en évidence. La voix grave de Pêche et la tessiture haut placée de Joseph Williams ressortent dans ce titre. Par sa seule présence et sa voix charismatique, Joseph Williams donne une couleur et une fraîcheur à cet opus, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait sur l'album précédent. Voici Home of the Brave, Toto. Hold your head up high now. There's no need to cry now. We're not running anymore. Leave the politics behind, boys. They're not working anymore. Un titre grandissime de la formation américaine Toto qui clôture bientôt notre émission. Il est en effet déjà 11h27. Et c'est pour moi le moment de vous souhaiter une excellente semaine, de vous donner rendez-vous d'ores et déjà la semaine prochaine. Mais avant cela, comme c'est le cas, nous allons nous passer à un tout dernier titre. On va retrouver pour la circonstance Rod Stewart dans l'album avec un extrait de l'album Vagabond Heart dont nous avons déjà écouté un titre tout à l'heure. Ici, il s'agit de It Takes Two, un titre qui à l'origine était un single à succès enregistré par Marvin Gaye pour le label Tamla Motown en 1965. Et l'ami Rod a eu la bonne idée de ressortir ce titre de l'oubli, et pour ce faire, pour lui donner la réplique, il a fait appel à une vieille comparse, Tina Turner. Et à noter que ce titre, plus tard, servira aussi de support à une campagne de publicité télévisée pour Pepsi-Cola. Voici donc Rod Stewart et Tina Turner pour terminer cette émission du lundi 27 novembre, en espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et que vous avez apprécié la programmation toujours très éclectique et variée qui est le propre de cette émission consacrée aux classiques du rock et de la pop. Voici Rod Stewart, It Takes Two. Stop! Living in the Past. Le meilleur du classique. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. You need me. Hey, teacher, leave them kids alone. Vous écoutez RQC 95 FM.